on a l'habitude de dire que la Bible est un peu comme une bibliothèque. Oui, la Bible est bien un livre. Mais à l'intérieur de ce livre, il y a plein de petits livres qui racontent des épisodes de la vie du peuple choisi, de Jésus et des premiers chrétiens. Ces livres sont organisés en deux parties. La première partie est appelée l'Ancien Testament. Elle est commune aux Juifs et aux chrétiens. C'est l'histoire de Dieu et des hommes avant la naissance de Jésus. On y lit que Dieu vient à la rencontre du peuple hébreu pour que ce peuple apprenne à le connaître. Il veut faire alliance avec eux. Dieu fait une promesse, « Pour sauver les hommes, je vais envoyer mon Fils. Le péché et la mort n'auront plus le dernier mot. » La deuxième partie est appelée le Nouveau Testament. On y parle de la naissance de Jésus, de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, de ce qu'il a fait et dit. On découvre ses amis et ceux qui le suivent, les premiers chrétiens. Quand tu ouvres ta Bible, tout au début, tu trouves le livre de la Genèse, ce qui veut dire « commencement, origine ». Il débute par un beau poème qui raconte la création du monde en 7 jours par Dieu. Bien sûr, il a fallu beaucoup plus de temps. Et dans ce poème, Dieu dit à la fin de chaque journée « comme c'est bon, comme c'est beau ». Dieu est un Père, parce qu'il est le Créateur de toutes choses. Il te connaît et se réjouit que tu le connaisses aussi.